Angeline par Émile Zola. Chapitre 1er. Il y a près de 2 ans, je filais à bicyclette par un chemin désert du côté d'Orgeval, au-dessus de Poissy, lorsque la brusque apparition d'une propriété au bord de la route me surprit tellement que je sautai de machine pour la mieux voir. C'était, sous le ciel gris de novembre, dans le vent froid qui balayait les feuilles mortes, une maison de briques, sans grand caractère, au milieu d'un vaste jardin planté de vieux arbres. Mais ce qui la rendait extraordinaire, d'une étrangeté farouche qui serrait le cœur, c'était l'affreux abandon dans lequel elle se trouvait. Et comme un ventail de la grille était arraché, comme un immense écriteau déteint par la pluie annonçait que la propriété était à vendre, j'entrais dans le jardin, cédant à une curiosité mêlée d'angoisse et de malaise. Depuis 30 ou 40 ans peut-être, la maison devait être inhabitée. Les briques des corniches et des encadrements sous les hivers s'étaient disjointes, envahies de mousse et de lichen. Des lézardes coupaient la façade, pareille à des rides précoces, sillonnant cette bâtisse solide encore, mais dont on ne prenait plus aucun soin. En bas, les marches du perron, fendues par la gelée, barrées par des orties et par des ronces, étaient là, comme un seuil de désolation et de mort. Et surtout, l'affreuse tristesse venait des fenêtres sans rideaux, nues et glauques, dont les gamins avaient cassé les vitres à coups de pierre, toutes laissant voir le vide morne des pièces, ainsi que des yeux éteints, restés grands ouverts sur un corps sans âme. Puis, alentour, le vaste jardin était une dévastation, l'ancien parterre à peine reconnaissable sous la poussée des herbes folles, les allées disparues, mangées par les plantes voraces, les bosquets transformés en forêts vierges, une végétation sauvage de cimetières abandonnées, dans l'ombre humide des grands arbres séculaires, dont le vent d'automne, ce jour-là, hurlant tristement sa plainte, emportait les dernières feuilles. Longtemps je m'oubliais là, au milieu de cette plainte désespérée qui sortait des choses, le cœur troublé d'une peur sourde, d'une détresse grandissante, retenue pourtant par une compassion ardente, un besoin de savoir et de sympathiser avec tout ce que je sentais autour de moi, de misère et de douleur. Et lorsque je me fus décidé à sortir, ayant aperçu de l'autre côté de la route, à la fourche de deux chemins, une façon d'auberge, une masure où l'on donnait à boire, j'entrai, résolu à faire causer les gens du pays. Il n'y avait là qu'une vieille femme, qui me servit en geignant un verre de bière. Elle se plaignait d'être établie sur ce chemin écarté où il ne passait pas 2 cyclistes par jour. Elle parlait indéfiniment, contait son histoire, disait qu'elle se nommait la mère Toussaint, qu'elle était venue de Vernon avec son homme pour prendre cette auberge, que d'abord les choses n'avaient pas mal marché, mais que tout allait de mal en pis depuis qu'elle était veuve. Et après son flot de paroles, lorsque je me mis à l'interroger sur la propriété voisine, elle devint tout d'un coup circonspecte, me regardant d'un air méfiant, comme si je voulais lui arracher des secrets redoutables. « Ah oui, la sauvagière, la maison hantée, comme on dit dans le pays. » « Moi, je ne sais rien, monsieur. Ce n'est pas de mon temps. Il n'y aura que 30 ans à Pâques que je suis ici, et ces choses-là remontent à 40 ans bientôt. Quand nous sommes venus, la maison était à peu près dans l'état où vous la voyez. Les étés passent, les hivers passent, et rien ne bouge, si ce n'est les pierres qui tombent. « Mais enfin, demandai-je, pourquoi ne la vendons pas puisqu'elle est à vendre ?»« Ah, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je sais? On dit tant de choses. » Sans doute, je finissais par lui inspirer confiance. Puis elle brûlait de me les répéter, ces choses qu'on disait. Elle me conta, pour commencer, que pas une des filles du village voisin n'avait osé rentrer à la sauvagière après le crépuscule, parce que le bruit courait qu'une pauvre âme y revenait la nuit. Et comme je m'étonnais que, si près de Paris, une pareille histoire pût encore trouver quelques créances, elle haussa les épaules, voulut d'abord faire l'âme forte, laissa voir ensuite sa terreur inavouée. Il y a pourtant des faits, monsieur. Pourquoi ne vend-on pas? J'en ai vu venir des acquéreurs, et tous en sont allés plus vite qu'ils ne sont venus. Jamais on n'en a vu reparaître un seul. Eh bien, ce qui est certain, c'est que dès qu'un visiteur ose se risquer dans la maison, il s'y passe des choses extraordinaires. Les portes battent, se referment toutes seules avec le fracas, comme si un vent terrible soufflait. Des cris, des gémissements, des sanglots montent des caves. Et si l'on s'entête, une voix déchirante jette ce cri continu « Angeline, Angeline, Angeline !» dans un appel d'une telle douleur qu'on en a les os glacés. Je vous répète que c'est prouvé. Personne ne vous dira le contraire. J'avoue que je commençais à me passionner, pris moi-même d'un petit frisson froid sous la peau. Et cette Angeline, qui est-ce donc? Ah, monsieur, il faudrait tout vous conter. Encore un coup, moi, je ne sais rien. Cependant, elle finit par tout me dire. Il y avait 40 ans, vers 1858, au moment où le Second Empire triomphant était en continuelle fête, M. de G., qui occupait une fonction aux Tuileries, perdit sa femme, dont il avait une fillette d'une dizaine d'années, Angeline, un miracle de beauté, vivant portrait de sa mère. 2 ans plus tard, M. de G. se remariait, épousait une autre beauté célèbre, veuve d'un général. Et l'on prétendait que dès ses secondes noces, une âtre jalousie était née entre Angeline et sa belle-mère. L'une, frappée au cœur de voir sa mère déjà oubliée, remplacée si vite au foyer par cette étrangère. L'autre, obsédée, affolée, d'avoir toujours devant elle ce vivant portrait d'une femme qu'elle craignait de ne pouvoir faire oublier. La sauvagère appartenait à la nouvelle Madame de G. Et là, un soir, en voyant le père embrasser passionnément sa fille, elle aurait, dans sa démence jalouse, frappé l'enfant d'un tel coup que la pauvre petite serait tombée morte, la nuque brisée. Puis le reste devenait effroyable. Le père éperdu consentant à enterrer lui-même sa fille dans une cave de la maison pour sauver la meurtrière. Le petit corps restant là, enfoui durant des années, tandis qu'on disait la fillette chez une tante. Les hurlements d'un chien, qui s'acharnait à gratter le sol, faisant enfin découvrir le crime, de les Tuileries s'étaient empressés d'étouffer le scandale. Aujourd'hui, M. et Mme de G. étaient morts, et Angeline revenait encore chaque nuit aux appels de la voix lamentable qu'il appelait de l'au-delà mystérieux des ténèbres. « Personne ne me démentira, » conclut la mère Toussaint. « Tout cela est aussi vrai que 2 et 2 font 4. » Je l'avais écoutée, effarée, choquée par des invraisemblances, mais conquis cependant par l'étrangeté violente et sombre du drame. Ce M. de G., j'en avais entendu parler. Je croyais savoir qu'en effet, il s'était remarié et qu'une douleur de famille avait assombri sa vie. Était-ce donc vrai? Quelle histoire tragique et attendrissante! Toutes les passions humaines remuées, exaspérées jusqu'à la démence, le crime passionnel le plus terrifiant qu'on pût voir, une fillette belle comme le jour, adorée et tuée par la marâtre et ensevelie par le père dans un coin de cave, c'était trop beau d'émotion et d'horreur. J'allais questionner encore, discuter, puis je me demandais à quoi bon. Pourquoi ne pas emporter dans sa fleur d'imagination populaire ce conte effroyable? Comme je remontais à bicyclette, je jetai un dernier coup d'œil sur la sauvagière. La nuit tombait, la maison en détresse me regardait de ses fenêtres vides et troubles, pareilles à des yeux de morte, pendant que le vent d'automne se lamentait dans les vieux arbres. Chapitre 2e. Pourquoi cette histoire se fixa-t-elle dans mon crâne jusqu'à devenir une obsession, un véritable tourment? C'est là un de ces problèmes intellectuels difficiles à résoudre. J'avais beau me dire que de pareilles légendes courent la campagne, que celle-ci ne présentait en somme aucun intérêt direct pour moi. Malgré tout, l'enfant morte me hantait. Cette Angeline délicieuse et tragique, qu'une voix éplorée appelait chaque nuit depuis 40 ans à travers les pièces vides de la maison abandonnée. Et pendant les 2 premiers mois de l'hiver, je fis des recherches. Évidemment, si peu qu'une telle disparition, une aventure à ce point dramatique eût transpiré au dehors, les journaux du temps avaient dû en parler. Je fouillai les collections à la Bibliothèque nationale, sans rien découvrir, pas une ligne ayant trait à une semblable histoire. Puis j'interrogeai les contemporains, les hommes des Tuileries. Aucun ne put me répondre nettement. Je n'obtins que des renseignements contradictoires, si bien que j'avais abandonné tout espoir d'arriver à la vérité, sans cesser d'être en proie au tourment du mystère, lorsqu'un hasard me mit un matin sur une piste nouvelle. J'allais, toutes les 2 ou 3 semaines, rendre une visite de bonne confraternité, de tendresse et d'admiration au vieux poète V, qui est mort en avril dernier à près de 70 ans. Depuis de longues années déjà, une paralysie des jambes le tenait cloué sur un fauteuil dans son petit cabinet de travail de la rue d'Assas, dont la fenêtre donnait sur le jardin du Luxembourg. Il achevait là, très doucement, une vie de rêve, n'ayant vécu que d'imagination s'étant fait à lui-même l'idéal palais où il avait, loin du réel, aimé et souffert. Qui de nous ne se rappelle son fin visage aimable, ses cheveux blancs aux boucles enfantines, ses pâles yeux bleus qui avaient gardé une innocence de jeunesse? On ne pouvait dire qu'il mentait toujours, mais la vérité était qu'il inventait sans cesse, de sorte qu'on ne savait jamais au juste où la réalité cessait pour lui et où commençait le songe. C'était un bien charmant vieillard, depuis longtemps hors de la vie, dont la conversation m'émotionnait souvent comme une révélation discrète et vague de l'inconnu. Ce jour-là, je causais donc avec lui, près de la fenêtre, dans l'étroite pièce, que chauffait toujours un feu ardent. Dehors, la gelée était terrible. Le jardin du Luxembourg s'étendait blanc de neige, déroulant un vaste horizon de candeur immaculée. Et je ne sais comment j'en vins à lui parler de la sauvagière, de cette histoire qui me préoccupait encore. Le père remarié, la marâtre jalouse de la fillette, vivant portrait de sa mère, puis l'ensevelissement au fond de la cave. Il m'avait écouté avec le tranquille sourire qu'il gardait même dans la tristesse. Un silence s'était fait. Son pâle regard bleu se perdit au loin, dans l'immensité blanche du Luxembourg, tandis qu'une ombre de rêve émanée de lui semblait l'entourer d'un frisson léger. « J'ai beaucoup connu M. de G. » dit-il lentement. « J'ai connu sa première femme, d'une beauté surhumaine. J'ai connu la seconde, non moins prodigieusement belle. Et je les ai même passionnément aimées toutes les deux, sans jamais le dire. J'ai connu Angeline, qui était plus belle encore, que tous les hommes auraient adoré à genoux. Mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme vous le dites. » Ce fut pour moi une grosse émotion. Était-ce donc la vérité inattendue dont je désespérais? Allais-je tout savoir? D'abord, je ne me méfiais pas et je lui dis « Ah, mon ami, quel service vous me rendrez! Enfin, ma pauvre tête va pouvoir se calmer. Parlez vite, dites-moi tout. » Mais il ne m'écoutait pas. Ses regards restaient perdus au loin. Puis il parla d'une voix de songe, comme s'il eût créé les êtres et les choses au fur et à mesure qu'il les évoquait. Angeline était à 12 ans une âme où tout l'amour de la femme avait déjà fleuri, avec ses emportements de joie et de douleur. Ce fut elle qui tomba éperdument jalouse de l'épouse nouvelle, qu'elle voyait chaque jour au bras de son père. Elle en souffrait comme d'une trahison affreuse. Ce n'était plus sa mère seule que le nouveau couple insultait, c'était elle-même qu'il torturait, dont il déchirait le cœur. Chaque nuit, elle entendait sa mère qui l'appelait de son tombeau, et une nuit, pour la rejoindre, souffrant trop, mourant de trop d'amour, cette fillette de 12 ans s'enfonça un couteau dans le cœur. Je jetai un cri. « Grand Dieu, est-ce possible ?»« Quelle épouvante et quelle horreur » continua-t-il sans m'entendre, lorsque le lendemain, M. et Mme de G. trouvèrent Angeline dans son petit lit, avec ce couteau jusqu'au manche en pleine poitrine. Ils étaient à la veille de partir pour l'Italie. Il n'y avait même plus là qu'une vieille femme de chambre qui avait élevé l'enfant. Dans leur terreur qu'on pût les accuser d'un crime, ils se firent aider par elle. Ils enterrèrent en effet le petit corps, mais en un coin de la serre qui est derrière la maison au pied d'un oranger géant. Et on l'y trouva, le jour où, les parents morts, la vieille bonne conta cette histoire. Des doutes m'étaient venus. Je l'examinais, pris d'inquiétude, me demandant s'il n'inventait pas. Mais, lui demandai-je, croyez-vous donc aussi qu'Angeline puisse revenir chaque nuit au cri déchirant de la voix mystérieuse qui l'appelle? Cette fois, il me regarda. Il se remit à sourire d'un air indulgent. Revenir, mon ami, et tout le monde revient. Pourquoi ne voulez-vous pas que l'âme de la chère petite morte habite encore les lieux où elle a aimé et souffert? Si l'on entend une voix qui l'appelle, c'est que la vie n'a pas encore recommencé pour elle, et elle recommencera. Soyez-en sûr, car tout recommence, rien ne se perd, pas plus l'amour que la beauté. Angeline, Angeline, Angeline, elle renaîtra dans le soleil et dans les fleurs. Décidément, ni la conviction ni le calme ne se faisaient en moi. Mon vieil ami V, le poète enfant, ne m'avait même apporté que plus de troubles. Il inventait sûrement. Cependant, comme tous les voyants, peut-être devinait-il. « C'est bien vrai, tout ce que vous me racontez là, » osais-je lui demander en riant. Il s'égayait doucement à son tour. « Mais certainement, c'est vrai.